L'ambassadeur coréen Kim Myung-si a présenté le 20 courant ses lettres de créance à Faustin Archange Touadéra, président et chef d'État de la République centrafricaine. L'ambassadeur lui a transmis les salutations du dirigeant suprême Kim Jong-un, ainsi que celles de Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême. Le président centrafricain en a témoigné sa profonde gratitude et lui a prié de transmettre ses salutations chaleureuses au dirigeant suprême coréen. En soulignant que la République centrafricaine et la Corée ont une longue histoire d'amitié et de coopération, il a exprimé sa volonté de s'efforcer pour développer les échanges et la coopération dans divers domaines entre les deux pays. Il a souhaité de plus grands succès au peuple coréen dans l'œuvre pour défendre la souveraineté et la paix nationale et réaliser la prospérité du pays.